Bonsoir, mesdames. Ah, vous savez, je suis contrarié, non, c'est rien de le dire. Tout ça parce que j'avais pris une veste en tweed. Il faut que je vous raconte tout depuis le début. Ce matin. Ah non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je sors de... J'avais rendez-vous avec mes camarades aux Champs-Élysées, n'est-ce pas, au rond-point des Champs-Élysées, pour aller à la cueillette des bleuets. Je sors de chez moi, pas de taxi. Pas question, évidemment, que je prenne le métro, n'est-ce pas, je ne prends jamais le métro. C'est pas que je ne veuille pas me mélanger à la masse, mais je peux pas supporter ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour aller aux Champs-Élysées? Je vais faire de l'autostop. J'arrête une voiture, je fais ouh. Un charmant garçon s'arrête, vraiment le beau garçon. C'est un petit aviateur, vous savez, aux yeux bleus. Bien. Alors, bon. Il me conduit au rond-point des Champs-Élysées et il s'en va vers Orly. Et je le regrettais d'ailleurs parce que vraiment un très beau garçon avec lequel j'aurais voulu rester en compagnie. Et je vais vers mes camarades qui m'attendaient. Il y avait Freddy, Claudin, Jackie, Zizi, Zozo, ils y étaient tous. Et je sais pas si vous connaissez Claudin. Vous connaissez pas Claudin? Il est gay. C'est vrai, un vrai bouc en train. Il me voit arriver, j'avais pris ma veste en tweed, n'est-ce pas? Il me voit arriver. Vois Fernand, cet imbécile. Il a pris une veste en tweed. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai horreur qu'on critique ma toilette. C'est vrai, je ne peux pas supporter ça, c'est physique. Je fais trop attention, surtout que j'avais un petit col blanc ravissant, n'est-ce pas? La dentelle du puits, ravissant. Alors, je fais celui qui n'avait pas entendu. On parle de choses et d'autres, les derniers potins parisiens. Il paraîtrait que Simone de Beauvoir aurait acheté une épicerie. Puis c'est pas vrai du tout. Elle a acheté une boucherie chevaline. Bref, on papote. Patrick arrive avec sa Chrysler. On va pour monter dedans pour la cueillette des bleuets. Claudin qui me redit, mais enfin, quelle idée que t'as pris de prendre une veste en tweed, c'est ridicule. Mais tu m'énerves à la fin. J'ai pris une veste en tweed parce que ça me plaisait, puis c'est tout. Le tweed, c'est à la mode. Oh, où c'est que t'as vu jouer ça que c'était à la mode? C'est à la mode. Imbécile toi-même. Toi, t'en as pas, t'es ridicule. Si j'en aurais pleuré. Vive le tweed, imbécile. Tu sais, j'aurais voulu me venger, vous savez, c'est pas ce que je lui aurais fait. J'aurais voulu lui donner des coups de poing. J'étais dans une ire. Alors, bon, on parlait tous les deux du tweed. Il y a un énergumène que je ne connaissais ni d'Ève ni des dents qui s'approche de nous. Ce n'était autre qu'un de ces manants. Ils enlèvent des pavés pour les remettre après. Des hommes, quoi. Il vient vers nous, il m'a fait peur. C'est vrai, bon, quand on connaît pas. T'en as pour longtemps, nous fatiguer avec ton tweet. Tu vas te casser, toi, avec ton tweet. Mais t'as qu'à foutre des boucles d'oreilles aussi. Des boucles d'oreilles. Avec du tweet.